Le beau-père parle sur la tombe. Que dit-il ? Adieu, adieu, vieil ami. Dès vos premières armes, vous avez fait preuve d'une intelligence très au-dessus de votre grade. Vous ne vous êtes jamais rendu, même à l'évidence. Votre fin est digne de votre carrière. Nous vous avons vu, bravant le fauve, insoucieux du danger, ne le comprenant pas et ne prenant la fuite qu'une fois que vous l'aviez compris. Encore une fois, adieu, ou plutôt au revoir, car votre type se perpétuera aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur la terre. Trois heures, et cette autruche qui ne rentre pas. Ah, elle aura voulu rentrer à pied. C'est stupide. Rien n'est plus fragile que les plumes d'autruche. Attention, la mer est bordée de plumes d'autruche. C'est son seul luxe. Aussi, elle les frise tout le temps. Les mariés de la Tour Eiffel, quadrille, par la musique de la garde républicaine, direction Paris. Bravo, oh, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, vive oh, la garde républicaine, oh, bravo, bravo, bravo.